Chapitre 6e. Ils allaient, sous ce ciel blafard, crépusculaire, mordu par le froid, la peau bleuie, leur respiration devenant de la neige, fouettée par la tempête, déchirée par les glaçons, la barbe collée aux vêtements, les cils roidis changés en aiguilles gelées, les narines bouchées par le froid, la gorge serrée par l'angine, pris de vertige, égaré, perdu, fantôme humain, dont les ombres trébuchantes se détachaient vaguement sur cet horizon éternellement blanc, pareil à un linceul immense, à un drap mortuaire et sans fin. Ils marchaient sous le ciel lugubre, pâle et étincelant comme une coupole d'argent, apercevant maintenant parfois des vols de mouettes, des heather duck et de dovekies, les pigeons de mer. « Savez-vous où ils vont ?» disait alors Cornelius, plein de fièvre et de joie, en montrant ses oiseaux. « Ils vont au-delà des glaces chercher l'air plus doux, les eaux chauffées par le Gulf Stream, la mer immense. Ils vont, comme nous, vers la mer libre. Allons, compagnons, en avant !» Mais à mesure que les jours passaient, les forces de ces intrépides s'usaient lentement, et Cornelius sentait le découragement s'infiltrer comme un poison dans les âmes. Le sourd appel de la patrie lointaine disait tout bas « Reviens !» au cœur de chacun d'eux. Il parlait de s'arrêter, de camper, de laisser Cornelius s'aventurer seul jusqu'au-delà du point où ils étaient parvenus, et de l'attendre là, blotti dans la neige. « Vous le voulez ?» leur dit alors Cornelius. « Je sens, je sais pourtant que nous ne devons pas être à plus de 3 ou 4 journées de marche de cette mer qui est mon rêve. Les mouettes sont plus nombreuses, voyez. Pourtant, vous redoutez de me suivre, et votre courage est à bout. Eh bien, soit, j'irai seul, ou je n'irai qu'avec ceux qui ont encore la foi, qui m'aiment me suivent. » Un seul homme se détacha du groupe des survivants de l'Espérance. C'était Justus Van Dool, le chirurgien. Il prit avec lui des biscuits, du thé, du whisky gelé, deux chiens aux longs poils blancs, et il partit. Il était convenu que l'équipage attendrait Cornelius et Justus pendant un mois. Après quoi, les hommes seraient libres de reprendre à travers le désert de glace le chemin du pays. « Dieu vous garde !» crièrent au capitaine Van Helven les matelots de l'Espérance. Cornelius répondit fermement « À bientôt !» On le vit s'enfoncer avec Justus dans les profondeurs glacées, et ces deux hommes, silencieux et résolus, marchèrent tout un jour encore à la recherche de l'océan sans limite. La mer, la libre mer, ne semblait point se rapprocher, quoique Cornelius en eût dit. Justus et lui ne rencontraient que le vide. Ils avaient déjà marché 3 jours. À l'aurore du 4e jour, Cornelius dit « J'ai le pressentiment que nous serons aujourd'hui arrivés au but. » Et il pressait dans sa main gantée le drapeau tricolore roulé, dont il se servait comme d'un ice stock. Tout à coup, il poussa un cri d'effroi. Justus venait de mettre le pied sur une flaque d'eau à peine recouverte de glace, et sans bruit, comme un caillou dans un étang glauque, l'homme avait disparu tout à coup après avoir vainement essayé de se soutenir sur l'eau. La flaque d'eau était moitié lac et moitié gouffre. « Pauvre Justus, » dit Van Helven, le cœur serré. « Ta mort sans autre témoin que moi, ta mort sans gloire, vaut mieux que la vie de bien d'autres. » Alors il se sentit désespérément seul, seul avec ses animaux qui hurlaient parfois en le suivant, seul avec le drapeau de Hollande entre les mains, un couteau à son côté et son rêve dans l'âme. Non, ce n'était pas être seul. « Adieu, Justus Van Dool !» cria Cornelius dans la solitude. Puis, d'un pas ferme et fier, il reprit sa route, il continua son chemin. Cet homme perdu dans l'immensité farouche, c'était l'humanité même, l'humanité en marche vers le songe, l'immensité, l'inconnu. Le soir, Cornelius Van Helven coucha dans une grotte de glace, ses chiens à côté de lui, et le lendemain, debout, il se remit à l'œuvre. Des deux chiens, un seul restait, secouant ses poils gelés. L'autre s'était enfui, rebroussant chemin. Cornelius marchait, fantôme allant vers un fantôme, lorsqu'après 2 heures de fatigue, le sol gelé devint plus hérissé, plus difficile et plus raboteux. C'était un amoncellement de blocs de glace, un entassement de montagnes, quelque chose d'effroyable et de grandiose. À peine, au milieu de ce chaos, un chemin. Au fond, la brume épaisse et jaunâtre, un enfer noir. Cornelius Van Helven avançait toujours. Il sentit bientôt que sous ses pieds, la glace craquait, faiblissait. Le chien esquimau qui l'avait suivi se mit à trembler, comme avaient autrefois tremblé les chiens de Java à l'entrée du Gepo Upas, et pris de terreur, s'enfuit tout à coup en hurlant comme s'était enfui son compagnon. Cornelius Van Helven avança encore. Encore quelques pas et brusquement, comme si un poil immense se fût déchiré devant lui, comme si une main invisible eût tiré le rideau de brume sombre qu'il avait tout à l'heure devant les yeux, une mer, une immense mer apparut au pied de cet homme planté sur la falaise de glace, et, spectacle que jamais n'avait vu un œil humain, il aperçut là, immense et bleu, déroulant ses flots purs sous un grand ciel d'azur, la mer libre, la mer sans rivage, la mer vierge et sans limite, qui marquait sans nul doute le commencement d'un monde. « Hurrah ! » cria Cornelius, de sa voix la plus éclatante et la plus mâle. « Hurrah ! Hurrah ! Hurrah ! » Son cri montait, joyeux, éperdu, altier et triomphant, dans l'air limpide. Son œil se baignait dans l'espace sans bornes. C'était l'infini, c'était le rêve. Des oiseaux inconnus, blancs et noirs, les ailes immenses, passaient, jetant leurs notes claires et rasaient en tournoyant le flot bleu. Des hirondelles, des mouettes, semblables à des flocons neigeux. Ce sont les limites d'un monde, et cette mer fluide et sans limite, c'est le commencement d'un univers. « Margaret, Margaret, » ajouta-t-il, « je puis maintenant revenir à toi, Margaret. » Il s'était agenouillé. Il se releva, et dépliant alors le drapeau hollandais, dont la lumière du pôle fit étinceler fièrement les trois couleurs. « Mon pays, » dit-il, « à toi, mon pays, cette mer libre, à laquelle donne ton nom le plus dévoué de tes fils. » Elle s'appellera la mère Batave. Vive la Hollande !»« Vive la Hollande !» répéta tout à coup, derrière Cornelius, une voix ardente, et le capitaine crut un moment que c'était l'écho qui venait de lui renvoyer son cri de triomphe. Mais, en se retournant, il devint horriblement pâle et sentit tout son sang lui refluer au cœur. Là, devant lui, debout, ironique et hardi, un bâton ferré à la main, se tenait un homme que Cornelius reconnut bien malgré son enveloppe de peau de bête, qu'il reconnut ou qu'il devina plutôt, car il jeta son nom avec rage. « Carlos Flink !»« Oui, Carlos Flink !» dit cette apparition vivante. « Carlos, qui est arrivé avant toi devant la mer libre et qui déjà lui a donné son nom !» Cornelius Van Helven éprouva, en entendant ces mots, la plus atroce douleur qu'il ressentit de sa vie. Il voulut tout d'abord se jeter d'un bond sur Adrian Carlos et l'étrangler de ses mains robustes. Ainsi, le rival acharné était là. Carlos avait déjà posé les pieds sur cette neige vierge. Il avait appelé de son nom la mère Batave. Était-ce possible ? « je rêve !» se disait Cornelius. Alors, avec une joie incisive, chacune de ses paroles entrant au cœur de Van Helven comme une lame de fer rouge, Adrian Carlos fit à son ami d'autrefois le récit de ses efforts, de ses journées de marche à travers les banquises, du voyage de Saint-James dans la région du Cap Sabine. Il lui montra les marins à bout d'efforts, le bateau menacé par les glaces qu'il fallait repousser comme un assaut, et lui, lui, Carlos Flink, continuant sa route, poussé par une double passion, l'ambition d'attacher enfin son nom à quelque grande chose, et la soif de se venger de Cornelius Van Helven, le héros de Java. Et Cornelius repassait au récit de Carlos par toutes les épreuves terribles qu'il avait supportées lui-même depuis son départ. Il souffrait une fois encore ses lugubres souffrances, et le tableau de tous ses maux doublait sa haine, car de tout cela, il n'avait donc triomphé que pour se voir arracher sa découverte et voler sa victoire. « Allons, Cornelius Van Helven, » dit Carlos Flink avec un rire strident, « tu peux retourner à Rotterdam maintenant. » « L'équipage du Saint-James qui m'attend est campé à 2 miles d'ici et je l'aurai rejoint demain. Et demain, je pourrai dire à ces matelots qui m'ont suivi, la mer libre existe et c'est moi qui l'ai découverte. »« Toi ?» fit Van Helven. « Toi, tu mens. Ce rêve de toute ma vie, tu me l'as volé. Tu as marché sur ma trace lâchement, avide et mauvais. Celui qui a conçu le projet de venir ici, c'est moi. Celui qui retournera en Hollande en disant « j'ai trouvé, c'est moi !» Et tandis que le drapeau hollandais flottait doucement, comme caressé par la brise de la grande mer, Cornelius Van Helven, d'un mouvement farouche, tira de sa gaine de cuir le coutelas qui pendait à son côté, à demi dissimulé sous les poils des fourrures. Adrian Carlos se mit encore à rire. « Tu vois cette mer ? » dit-il. « Eh bien, je veux avoir son secret, moi, et je l'aurai. Oui, nous faisant des barques de bois de notre traîneau, nous irons demander à la mer libre quel continent elle baigne. J'irai plus loin que toi, Cornelius, je te le jure, plus loin qu'aucune créature humaine n'aura jamais osé aller. Regarde bien cette falaise de glace, répondit froidement Cornelius, c'est là que tu t'arrêteras, tu n'iras pas plus loin, entends-tu, Adrian Carlos? Seul, au bout du monde, devant l'immensité sublime, il ne songeait pas à oublier, il ne pensait qu'à se haïr. Cornelius brandit son coutelas et se jeta, sinistre, dans ses pots de bête, vers Adrian qui s'était armé. Carlos Flink ajusta son ennemi du canon d'un pistolet et dit résolument « Prends garde !»« De nous deux, je te l'ai dit, un seul doit revenir là-bas, un seul doit rapporter au pays le secret de cette découverte. Cornelius Van Helven, tu es mort !» Son doigt pressa la gâchette du pistolet et les mouettes éperdues s'envolèrent en criant, effarées, terrifiées, et venant d'apprendre que partout où l'homme passe, il apporte le danger et la mort. Cornelius, blessé, avait trébuché d'abord, et Carlos, implacable, avait attendu comme si son rival eût dû tomber sur le coup. Mais, intrépide, et d'un mouvement surhumain, Van Helven continuait d'avancer, et la large lame de son coutelas jetait des éclairs bleuâtres sous la lumière intense du pôle. Carlos avait maintenant tiré son couteau. « Ce n'est pas moi qui vais mourir, » lui dit Cornelius, « c'est toi !» Les deux hommes, l'un immobile, l'autre marchant droit devant lui, se heurtèrent brusquement, et dans un corps à corps sinistre, les armes qu'ils tenaient se croisèrent comme deux dagues, sans que ni l'un ni l'autre atteignît la poitrine de son adversaire. Ils se colletaient, haletant, dans une lutte farouche, et chacun d'eux, de la pointe de son arme, cherchait le cœur de l'autre. Face à face, leurs haleines se mêlant, les yeux dans les yeux, crispés, hurlant, ces deux êtres, plus pareils à des fauves qu'à des hommes, s'insultaient du regard et de la voix, tandis que leurs mains avides se déchiraient à vouloir fouiller du coutelas le corps de l'ennemi. Carlos voyait d'ailleurs, et avec une joie sauvage, des taches rouges monter au cou de Cornelius. Du sang perlait déjà, coulant le long des manches sur les poils blancs des peaux dont Van Helven était couvert. Cornelius était livide, Cornelius était blessé, Cornelius allait mourir. « Tu ne reverras plus, Rotterdam !» lui cria Carlos, riant toujours de son rire cruel et fou. Cornelius redoubla d'énergie sauvage, étreignit puissamment de son bras gauche Carlos, qui ouvrit alors la bouche comme si la respiration lui échappait, et du bras droit leva le coutelas au-dessus du front du capitaine Flink. Carlos était armé encore, mais le terrible bras de Cornelius l'étreignait à l'étouffer. Il eût pu frapper par derrière, il n'en avait plus la force. Il se sentait perdu. Hagard, il voyait ce coutelas levé, étincelant, éclatant et qui allait tout à l'heure s'enfoncer dans sa chair. Il fit un effort prodigieux, terrible, et sa face s'abattit sur le visage de Cornelius, mordant la joue de ses dents de fer. La douleur arracha Van Helven un cri aigu, et d'un bond, il essaya de reculer, mais en tenant toujours Carlos Flink étouffant. Son pied glissa sur la glace qui craquait, et alors la même chute, chute terrible, entraîna les deux corps, saignants et hideux. Carlos et Cornelius se déchiraient encore au bord de la falaise glacée, se tordant comme deux tigres sur la nappe blanche, puis tout à coup, la glace s'affaissant sous leur poids, un plus fort craquement se fit entendre, un bloc, pareil à du cristal, se détacha de la crête qui brillait, et dans l'immensité, sous le ciel bleu, les deux corps enlacés de Cornelius et de Carlos tombèrent, avec un dernier blasphème, dans les flots de la mer libre, qui se fermèrent sur eux, avec le bruit profond et sourd de l'eau qui fait un linceul au cadavre. Au bord sans fin de la grande mer, dans la solitude gelée, il n'y avait plus rien maintenant que le silence, rien que l'immensité déserte, rien que le mystère et que l'inconnu. Les oiseaux montaient dans l'air pur avec leurs envergures immenses. Le flot tiède battait les bords dentelés des falaises de glace. Mais qui eût dit que deux hommes étaient venus là, tout à l'heure, jetant sur cet horizon conquis le coup d'œil orgueilleux du triomphe. Un peu de glace brisée, des traces de pas bientôt effacées, et puis rien. La mer continuait à battre ses bords avec un grand murmure et à dérouler ses flots bleus, la mer libre et sans nom, comme depuis l'éternité. Quelques années après, lorsque le docteur Kane découvrit à son tour la mer libre du pôle, il trouva encore, planté sur la falaise, la hampe d'un drapeau dont le vent avait emporté les couleurs. C'était le drapeau enfoncé là par Cornelius Van Helven, dont les matelots de l'Espérance n'avaient plus eu de nouvelles. L'Espérance et le Saint James étaient ensemble revenus à Valencia en Islande, puis l'un à Rotterdam et l'autre à Liverpool, après avoir attendu celui-ci Carlos Flink, celui-là Bonhelven. Ils se sont perdus en même temps, disait-on, et perdus sans même savoir qu'ils étaient si rapprochés l'un de l'autre. Nul ne pouvait soupçonner que la haine de ces deux hommes les avait fait s'entrégorger ainsi et se perdre quand ils touchaient l'un et l'autre à leurs rêves. Que d'avortement produit la haine, que de bienfaits donnerait l'oubli et l'amour. Margaret et Dica, les deux veuves de Cornelius et de Carlos, ont fait élever en commun un monument près du cimetière de Rotterdam. On y lit ces mots, dictés par le cœur à celles qui aimaient tant ceux qui se haïrent, à deux frères ennemis réconciliés dans la mort. Margaret et Dica y vont pleurer toujours, et leurs mains déposent pieusement, auprès du monument de pierre, des bouquets de fleurs, des violettes du pôle. Parfois Dica demande à Margaret s'il n'était pas mort cependant, s'il revenait un jour, et ses yeux brillent alors d'une intense joie. Mais, comme un funèbre écho, le triste refrain de la chanson du mousse lui revient. « Eh oh, matelot, matelot, tu sais bien que la mer lointaine ne rend mousse ni capitaine, reste auprès des tiens, matelot. » Elle pleure alors et se remet à prier. Ainsi vieillissent et se courbent ces deux femmes à qui Cornelius et Carlos eussent donné le bonheur, eussent rapporté la gloire, s'il n'y avait pas eu entre eux ce fléau, cet effroi, cette mère de la misère et de la mort, la haine. Aimez-vous les uns les autres. Ainsi s'achève La mer libre de Jules Clarécy.